La maison d'édition près le Parti du travail de Corée a fait paraître des affiches illustrées rejetant catégoriquement la résolution de sanctions que les États-Unis et les forces hostiles ont adoptées contre la Corée et encourageant tous les militaires et civils coréens au combat général décisif. Leurs thèmes sont suivants. Avec les forces nucléaires du T opérant un grand essor dans l'édification d'une puissance socialiste, manifestant dans l'univers la dignité et le prestige souverain de la puissance nucléaire du T, puissance militaire d'ordre mondial, condamnation véhémente et rejet entier, la réponse de la Corée, tout le territoire américain est dans notre portée, rien ne peut nous barrer le chemin.